9-28 observations. Il ne reste pas de. Il n'en reste pas. Il reste des galettes? Non, il ne reste pas de galettes. Non, il n'en reste pas. Non, il n'en reste plus.